il en fut distrait par une lettre du notaire qui devait lui envoyer le lendemain 15 000 francs. Et pour réparer sa négligence envers des lauriers, il alla lui apprendre tout de suite cette bonne nouvelle. L'avocat logeait rue des Trois-Maries, au 5e étage, sur une cour. Son cabinet, petite pièce carrelée, froide, étendue d'un papier grisâtre, avait pour principale décoration une médaille en or, son prix de doctorat, inséré dans un cadre d'ébène contre la glace. Une bibliothèque d'acajou, enfermée sous ses vitres, 100 volumes, à peu près. Le bureau, couvert de basane, tenait le milieu de l'appartement. 4 vieux fauteuils de velours vert en occupaient les coins. Et des copeaux flambaient dans la cheminée, où il y avait toujours un fagot, prêt à allumer au coup de sonnette. C'était l'heure de ses consultations. L'avocat portait une cravate blanche. L'annonce des 15 000 francs, il n'y comptait plus, sans doute. Lui causa un ricanement de plaisir. « C'est bien, mon brave, c'est bien, c'est très bien. » Il jeta du bois dans le feu, se rassit et parla immédiatement du journal. La première chose à faire était de se débarrasser du sonnet. Secréter l'âme fatigue. Quant à desservir une opinion, le plus équitable selon moi et le plus fort, c'est de n'en avoir aucune. Frédéric parut étonné.